Salut mon petit frère, c'est Claude. Bon, bah écoute, je viens de m'appuyer le diagnostic technique, 47 pages quand même, et je préfère plutôt que de t'envoyer des pages d'écriture, te faire un petit message audio que tu pourras interrompre pour examiner le document dont je viens de te parler. Alors, une ou deux petites réflexions avant de commencer. La construction de ce hangar 1960, est-ce qu'elle a été impactée par l'incendie du Tanneron en 1970? Parce qu'il faut savoir qu'un bâtiment qui a brûlé, même si c'est un hangar, le feu et le béton s'aiment pas trop. Je vais énumérer mes remarques au fur et à mesure du déroulement des pages. Alors, j'ai pas pris les numérotations des pages du diagnostic, mais la numérotation du PDF. Alors, voyons un peu. Les vitrages des menuiseries sont très bien. 4-16-4. T'as quand même 17 fenêtres et porte-fenêtres. Et tu as 15 fenêtres qui font 4-16-4, c'est-à-dire 16 de vide d'air, ce qui est bien. Tu en as une 16e qui fait 20 mm de vide d'air, ce qui est encore mieux. Et puis une autre qui fait que 14 mm, c'est-à-dire 2 mm de moins que les 15 autres. Je ne sais pas pourquoi. Alors là, on était à la page. On était à la page. Mais avant d'y arriver, là, cette page, où il y a les fenêtres, je vois qu'il t'annonce que 1552 euros d'électricité. Je demande à voir. Et je te conseille quand même de demander au propriétaire qui te sorte ses factures de chez Engie, puisqu'il est abonné chez Engie, et que tu saches un petit peu ce qu'il paye réellement, quoi. Et des factures sur une année, avec été comme hiver. Voilà. Alors, là, je suis à la page. Je suis à la page 6. Rien à dire. Je me posais la question de savoir s'il y avait des volets. Il y a des volets roulants. Alors, question, ces volets roulants, 12 mm, c'est pas très très épais, donc ça isole pas grand-chose. Mais est-ce qu'ils sont électriques ou est-ce que tu dois te les palucher à la main? C'est-à-dire que tous les soirs, tu dois ouvrir et fermer à la manivelle 17 volets. Bon, ça c'est à toi de voir, hein. On parle en fait d'une VMC, la ventilation mécanique contrôlée, qui n'a pas été mise en place récemment. Alors, attends, où est-ce que j'ai vu ça? Je suis en train de relire mes notes, alors bon, j'ai fait ça un peu. La VMC, donc c'est aux alentours de la page 6. Est-ce que c'est une ventilation simple, ventilation mécanique contrôlée simple, ou est-ce que c'est à double flux? Parce que si c'est simple et qu'elle a été posée il y a quand même une quinzaine d'années minimum, faut voir s'il ne faut pas la changer, hein. Pour ça, il faut aller dans les combles, voir un peu comment c'est foutu. Et puis, puisque tu es dans les combles, tu en profiteras pour regarder l'isolation, parce qu'on ne voit pas grand-chose sur le BPE. Voilà, ensuite, j'arrive à la page 11, à la page 11 du PDF. Page 11 du PDF, on fait une description des murs, très complète, très bien faite, et les murs sont très bien isolés. 15 cm, c'est bien, c'est même 5 cm de plus que d'habitude. Par contre, il y a un mur du nord, un mur au nord de la maison, qui n'a pas d'isolant. Et le local, il n'est pas chauffé. Alors, faut m'expliquer, moi, comment. Sur la partie la plus froide de la maison, on peut ne pas mettre d'isolant. Pourquoi il n'y en a pas? Ça paraît quand même assez dommageable. Ensuite, on passe à la page 12. La page 12, plafond. Le plafond, il est dit comme avec des combles perdus. Alors, combles perdus, d'accord. Mais où est l'isolant? Où est l'isolant qu'il y a normalement dans les combles? On n'en parle pas. La seule chose dont on cite, c'est une isolation par l'extérieur. Isolation par l'extérieur qui a été faite en 2006. Il y a 16 ans. Comment se fait-il que des combles ne puissent pas être isolés? Isolés en 2006, les normes n'étaient pas celles de maintenant. Et isolés par l'extérieur, là, il faut de m'expliquer. Moi, je t'invite à bien regarder ça, parce que ceci, pouvant expliquer cela, toutes ces... Comment dirais-je comment ça s'appelle? Tous ces 6 ou 7 moteurs là qui dehors qui font du bruit là. Je ne retrouve pas mes mots. Les pompes à chaleur, voilà. Si le plafond n'est pas bien isolé, même pas du tout isolé, cela peut expliquer pourquoi tu as besoin d'autant de pompes à chaleur. Ensuite, si tu as des pompes à chaleur, et là je suis maintenant passé à la page 12, comment expliquer que tu aies besoin d'autant de pompes à chaleur si les combles sont isolés, quoi. Il y a un truc où ils ne sont pas isolés. Il y a un truc qui ne cadre pas, là. Ça ne tient pas la route. Donc, obtiens des informations, va même voir dans les combles, est-ce qu'il y a une trappe d'accès? Tiens, demande, voilà une bonne question. Trappe d'accès aux combles, comment on y va? Va voir un peu ce qui se passe là-dedans. Parce que dans une maison, c'est important de savoir ce qu'il y a dans les combles. Voilà, alors, après, page 14, pompe à chaleur toujours. On ne précise pas le nombre. Alors, est-ce que tu en as deux? Est-ce que tu en as au moins 3, 4, 5? Bon, c'est ce que j'ai vu par rapport aux photos que tu m'as envoyées. Mais il y en a peut-être plus. Les pièces sont chauffées avec des radiateurs électriques. Bon, là, c'est pareil. Les radiateurs électriques, on ne te donne pas la puissance des radiateurs. Et dans ce que je lis, je ne comprends pas bien tout, mais j'ai l'impression que la puissance, elle n'est pas formidable. Et donc, dans une maison qui est posée sur la terre, hein, n'oublie pas que tu n'as pas d'isolation au sol. Je ne sais pas si je te l'ai dit, tu n'as pas d'isolation au sol. Tu n'as pas de plancher. Hein, tu es juste sur une dalle, et la dalle est posée sur le terrain, sur le terrain que tu vas acheter. Hein. Donc, pas d'isolation au sol, donc un sol froid. En plus, ce sol, il est fait avec du parquet flottant, ce qui est très bien, hein, c'est ce qu'on a nous ici, partout. Mais est-ce que ce parquet flottant est posé directement sur la dalle, ou est-ce que tu as une toute petite fine lamelle d'air pour ne pas avoir les pinoux trop au froid, quoi, parce que tu vas te peler l'hiver. Hein. Tout ce qu'on peut dire dans le midi, c'est qu'il fait froid l'hiver. Voilà, bien. Et aussi une question, est-ce qu'il y a un chauffage dans les pièces du nord? Parce qu'elles ne sont pas isolées, mais si elles ne sont même pas chauffées, donc on ne va pas loin là. Ensuite, page 15, deux chauffe-eau 300 litres. Alors ça, c'est des gouffres à pognon. Le chauffe-eau, c'est ce qui coûte le plus cher dans en consommation d'électricité. Et 300 litres, c'est des plus gros chauffe-eau, quoi, ou presque. 300 litres, et ça deux fois. Donc, j'espère que si tu as un chauffe-eau qui fait et le sol, et la cuisine, et les salles de bain, ça peut aller. Mais si tu dois avoir un chauffe-eau pour la cuisine et un chauffe-eau pour les salles de bain, là, tu vas dépenser un pognon fou. Fou, fou. Voilà. Est-ce que ils peuvent être... est-ce qu'on peut éviter de les brancher en série? Ça sera intéressant. Est-ce qu'ils peuvent être indépendants, etc. Et là encore, j'ai noté de revoir les factures de chauffage. Hein. Je rappelle bien que dans une maison, ce qui coûte le plus cher, c'est le chauffe-eau électrique, le cumulus. Et il me semble avoir vu qu'on pouvait diminuer largement la sauce en installant un chauffe-eau qui marche un peu comme une pompe à chaleur. Alors, ça vaut cher, mais ça consomme tellement moins. Ça consomme tellement moins. Regarde un peu ça parce qu'il me semble que j'ai vu ça au détour de page de ton diagnostic. Voilà. Bien, alors la page 15, je passe à la page 23. Page 23. Il semblerait que les murs de salle de bain ne soient pas carrelés. Alors, qu'ils ne soient pas carrelés dans la salle de bain, certes, mais j'espère qu'ils sont au moins carrelés dans la douche et près de la baignoire. Il n'y a qu'une seule chambre qui a des murs carrelés, c'est la chambre numéro 2. Celle-là, elle a du carrelage sur les murs. Bon, les autres pas. Alors, autre chose, question que je pose. Comment sont faites les cloisons intérieures? Hein, je dis bien les cloisons qui départagent les pièces, etc., etc. Comment sont-elles faites? Est-ce que ce sont des cloisons avec deux plaques de plâtre et un isolant 7 cm, grosso modo, au milieu? Ou est-ce que c'est des cloisons à la mort-moelle-neuve avec des nids d'abeilles? Bon, c'est du carton, quoi. C'est du carton entre deux plaques de plâtre. Ça n'isole rien. Au point de vue sonore, quelle que soit la pièce dans laquelle tu es, tu entends tout ce qui se passe dans l'autre. Regarde bien si c'est sonore ou pas. Voilà. C'est important ça, hein, parce que demande à voir la facture de rénovation, quoi. Et puis si tu pouvais la voir, tu la photographies, puis tu me l'envoies. Comme ça pourrait me permettre de voir un certain nombre d'autres choses. Ensuite, il me semble avoir vu, mais je ne sais plus où, mais au détour d'une des cinquantaines de pages du diagnostic, qu'il y avait de l'amiante qui était planquée derrière le placo, derrière les plaques de plâtre. Alors, il ne va pas y avoir beaucoup, mais bon. Par contre, en ce qui concerne l'amiante, vraisemblablement, la toiture extérieure, elle est non plus en plaque d'amiante, mais en plaque de ce nouveau matériau qui est du ciment et des copeaux de bois, quoi. Voilà. Donc là, il n'y a pas d'amiante, tu crains rien, etc. Mais c'est bien ce que j'ai vu. Il y a des plaques grises sous les tuiles à la hauteur des trois VMC, pas VMC, mais clim que j'ai vu à l'endroit dont je t'ai déjà parlé. Ensuite, alors, maintenant nous allons à la page 36. Page 36, page 36, 21, bon, tu as tout un descriptif. Qui est très bien fait d'ailleurs, des pièces, savoir si c'est carrelé, s'il y a du parquet flottant, etc. C'est bien fait, c'est bien détaillé. Je pense que le gars, il s'est bien appliqué. Tu as une cave avec des murs en briques, ce qui est très bien pour une cave. Et puis le plancher, c'est de la terre cuite par terre, ce qui est très bien. Bon. Et si la cave elle est au nord ou à l'est, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Alors, après, donc je vais à la page 36. Ouais, avant la page 36, à la page 26, il y a un premier plan. Dans le plan, on voit bien la disposition des pièces. On voit bien la disposition des pièces, mais, oui, je comprends mieux parce que tu as au nord, peut-être avec le local technique, la chambre 4 et du bureau, etc., etc. D'accord. Et c'est là où tu dis que tu peux recevoir la famille, un petit studio pour la famille. Bon, ça c'est bien. D'accord. Maintenant, il n'est pas précisé sur le plan où se situe le séjour. Je présume que c'est le grand emplacement qui est vide, de lequel il y a une buanderie au milieu. Voilà, bon, sinon rien à dire là-dessus. Et je file vers la page 36. C'est redoutable ces documents. Mais celui-là, il a l'air bien fait. En plus, on comprend. Page 36, état des risques et pollutions. On voit qu'il y a un changement d'adresse. L'état des risques et des pollutions, tu as comme adresse 783 chemin de Cabrol, alors que la maison dont on parle, elle est 1066 route d'Or. Pourquoi il y a ce changement d'adresse? Il doit y avoir des explications avec des détachements de parcelles, des trucs et des machins. Ça sera l'occasion pour toi de regarder les droits de passage. Je dis bien les droits de passage. Et si je trouve quelque chose d'intéressant, je te l'envoie là-dessus. Le droit de passage, parce que tu en as un premier en bas, là, au bout de ton terrain, et puis tu en as un deuxième pour rentrer chez toi, là où passe le pisciniste. Ça, moi, déjà, ça, c'est une clause, j'achète pas. Mais bon, chacun voit midi à sa porte. Donc, il est indiqué que la Siagne, la rivière, passe pas loin. Bon, eh ben, ces rivières-là, elles sont soumises à inondation. Hein, on en a vu quelque chose, là, dans la vallée un petit peu au-dessus, là, où tout a été mis cul par-dessus tête. Alors, la Siagne, elle est loin. Elle est éloignée, elle est à quelle distance? Et puis, en termes de profondeur, quoi. Parce que ça grimpe vite, l'eau, hein, là-dedans. Donc, si elle n'est pas très éloignée, bah, normalement, on te dit que l'inondation est prescrite. Mais bon, on ne sait pas. C'est pas clair, ça. Hein. Voilà. Après, dernier point. Ah oui. J'ai vu qu'il manquait des choses. L'état parasitaire, je ne l'ai pas vu, c'est les insectes et les champignons. Les termites, l'état des termites, je ne l'ai pas vu. Le plomb, est-ce qu'il y a du plomb? En tout cas, tout ça, c'est obligatoire. On doit dire, il y a ou il n'y a pas, mais ces états-là sont soumis. C'est légal de les faire. Après, donc là, on était page 36. Je continue. La cartographie des terrains, etc. On voit qu'il y a une route là qui passe. Cartographie des inondations. Si je regarde bien, t'es cerné, quoi. Au nord et au sud-est. Bah. PPR, inondation. Bon, alors, est-ce que c'est loin de chez toi ou pas? Je ne sais pas. Et en plus, il n'y a pas trop de couleurs. Cartographie des mouvements de terrain. Ah, ça, c'est important. Cartographie des mouvements de terrain. La couleur indiquée que c'est moyen, a priori. Ça peut être moyen. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que... on voit dans le midi qu'il y a beaucoup de murs qui sont fissurés. Ben pourquoi? Ben parce qu'ils sont posés sur de l'argile. Et l'argile, quand ça sèche, ben ça se rétracte. Et les murs qui sont posés dessus, ben, ils fissurent et voient se casser la gueule. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, aujourd'hui, quand tu veux acheter quelque chose dans le midi, pour une maison neuve, eh bien, tu as... des prescriptions sismiques pour les tremblements de terre. C'est-à-dire que ta maison, on peut partir de ta maison, c'est un cube, et que ce cube, s'il est chahuté par un tremblement de terre, et que tu es dedans, ben le cube se renverse, mais ne casse pas. Alors toi, si jamais il va y avoir des problèmes sismiques, chose évoquée, de cartes en dessous, et c'est quand même moyen, hein, c'est assez rouge, orangé, quoi. Hein. Donc, ça vaut peut-être le coup de, ça vaut peut-être le coup de s'en inquiéter, quoi, hein, parce que tu es sur une zone, une faille qui est bien connue entre les Alpes et le Rhône. Ensuite, les feux, bon, cartographie des feux, bon, c'est vert. Cartographie des pollutions de sol, basiase, basol, je sais pas ce que c'est. Plan d'exposition au bruit. Alors ça, c'est important. Normalement, la carte, il devrait y avoir des couleurs dessus, hein, mais il n'y a aucune couleur. Tout est gris. Donc on ne sait pas si tu es exposé au bruit ou pas. Alors, c'est toi qui dois savoir quand tu écoutes, quand tu regardes la nature autour de toi. Voilà. Sinon, alors, donc, je reviens, hein, sur les états parasitaires, termites et plomb. Ces trois états-là, je ne les ai pas vus. Alors, je ne dis pas qu'ils n'y sont pas, mais regarde un peu et demande-les. Alors, déclaration de sinistre indemnisé. Bon, il s'en est passé des choses. Hein, on ne sait pas si ça a été indemnisé, mais on sait qu'il s'est passé des inondations, des coulées de boue, des glissements de terrain. 1995, des glissements de terrain. Des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. C'est ce que je te disais à propos de l'argile qui se rétracte quand ça sèche. Putain, jusqu'en 2019, inondation et coulée de boue. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est important? J'en sais rien, moi. Mais sinistre indemnisé dans le cadre d'une reconnaissance de l'état de catastrophe. Bon, voilà, je ne sais pas. Alors, ça n'a peut-être aucune importance. C'est peut-être très important. J'en sais rien, savoir ce que c'est, ce truc. Voir quand même la Siagne si elle déborde pas, hein, elle sort pas de son lit. Voilà, après. Alors après, on va passer à Suez, Compagnie des eaux. Tu as une installation qui est conforme. Bon, ça, il n'y a rien à dire. Y a quand même une chose que je me ferais bien expliquer. C'est comment les choses se passent. Je m'explique. Suez identifie les réseaux et te fait même un plan, etc., bien, bien documenté. Toi, ce qui est important, c'est que tu vois avec le propriétaire comment les choses se passent pour l'évacuation des eaux. Comment se fait le tout à l'égout? Où est-ce qu'il est ce tout à l'égout? Ça doit être la ligne violette que l'on voit sur la page 1 de Suez, là, du plan émis par Suez. On voit aussi, et ça m'a un peu interpellé, que la cuisine et la buanderie sont raccordées par l'intermédiaire d'un poste de relevage. Alors ça, c'est des trucs, question, ça peut être des trucs emmerdement. Je ne sais pas si tu te souviens, mais poste de relevage, tu as eu à gérer ça peut-être dans la salle de bain de mamie, quoi, qui avait ses chiottes où il fallait relever tout ça pour bien évacuer, quoi. Bon, un poste de relevage, c'est-à-dire qu'on va relever le niveau de récupération des eaux pour lui donner une pente et que ça évacue et que ça s'évacue bien. Et comme ça passe sous la maison, il vaudrait mieux bien s'informer, parce que si tu dois casser le carrelage pour rejoindre ces évacuations, voilà. Bon. Voilà, j'ai fait le job, hein. Ah oui, si, il y avait encore deux, trois autres notes. Donc, bien se faire expliquer les VRD, hein, voire les réseaux divers. Le terrain, est-ce que tu as un terrain en restanque? D'après ce que je comprends, il doit y avoir de la restanque. Il doit y avoir de la restanque et derrière ça, les restanques, elles doivent être consolidées par des murs en pierre. Vois si c'est costaud, quoi, si c'est bien fait, si ça, si ça se passe bien de ce côté-là, si ça ne s'effondre pas. Parce que si ça s'effondre, ta estampe, bah, ta terrasse, elle va rejoindre la Méditerranée. Hein. Voilà. Eh ben, écoute, j'ai terminé. Je pense avoir fait cet examen très consciencieusement. Pour me détendre à la fin de tout ça, j'ai été voir les annonces et les maisons à Pégomas. Il y a des choses plus modestes, quand même très chères à mon goût, mais bon, il y a des choses plus modestes. Tu dois regarder quand même, parce que des choses qui sont un petit peu plus sérieuses qu'un hangar, même s'il a été bien réhabilité. Voilà, en conclusion, moi, j'achète pas cette maison. Voilà, je suis désolé de te faire un peu de peine, mais j'achète pas ça. J'achète pas ça. Il y a trop de tout, quoi. Hein? Et je t'encourage à rechercher et à aller voir d'autres agences qui ont d'autres biens à présenter. Et la maison qu'on vient d'évoquer là, on la retrouve sur plusieurs sites d'agences. Bien sûr, sur Opo, Opio, mais sur d'autres sites. Donc, pourquoi elle ne se vend pas? Question. Voilà, mon petit frère, eh ben, écoute, je vais remonter tout ça sur Internet, te l'envoyer, et puis donc tu peux t'appuyer à chaque fois que j'ai changé de page, eh bien, sur les pages de PDF, et comme ça tu pourras trouver les informations qui m'ont quelque part interpellé. Ou pas. Allez, salut, je t'embrasse, je vous embrasse tous les deux, je vous souhaite une bonne journée. Et bon week-end.